Chapitre 4. Quand la CIA protégeait les éleveurs de bananes au Guatemala. En mars 1951, le social-démocrate Jacobo Arbenz Guzmán, un ancien révolutionnaire soutenu par l'armée et le Parti communiste, est élu président du Guatemala sur un programme de réforme agraire. La démocratie guatémaltèque est alors toute jeune, puisque le Guatemala a vécu toute la première moitié du XXe siècle sous la coupe de deux dictateurs, Manuel Estrada Cabrera et Jorge Ubico Castaneda. Cette période a été mise à profit par le géant américain de l'exploitation bananière, la United Fruit, pour y implanter d'énormes et profitables exploitations en franchise d'impôts. En 1944, une révolte populaire transforme le pays en démocratie, avec une constitution proche de celle des États-Unis. À l'époque, 70% des terres cultivables du pays appartiennent à moins de 2,5% de propriétaires. La plupart n'habitent même pas sur place. Dès son arrivée au pouvoir, en 1951, Arbenz fait redistribuer des terres à 100 000 paysans parmi les plus pauvres du pays. Malheureusement pour lui, sa réforme prévoit d'exproprier la United Fruit, plus gros propriétaire terrien du pays. Arbenz propose de racheter ses plantations avec ses lignes de chemin de fer et de télégraphe pour 600 000 dollars, soit leur valeur déclarée par la compagnie pour optimiser sa fiscalité. United Fruit déclare alors que leur vraie valeur tourne plus probablement autour de 16 millions de dollars. La United Fruit n'est pas sans défense face à ce mauvais coup. Un des premiers directeurs du renseignement américain, le général Walter Bedell Smith, fait partie de son comité directeur. Le secrétaire d'État John Foster Dulles et son frère Allen Dulles, nouveau patron de la CIA, ont eu pour cliente la United Fruit lorsqu'ils exerçaient au sein du cabinet d'avocats Sullivan and Cromwell. C'est eux qui ont négocié avec le dictateur Ubico Castaneda l'accord de 1935, très favorable à la United Fruit. En 1952, la CIA apprend que le Guatemala vient d'acquérir 2000 tonnes d'armes en Tchécoslovaquie. Le pays est alors soumis à un embargo américain sur les importations d'armes qui lui laisse peu d'autres moyens pour s'approvisionner. C'est la preuve idéale qui manquait à la CIA pour convaincre le nouveau président Eisenhower que le Guatemala, troisième plus grand pays d'Amérique centrale, constituait un danger imminent de contagion communiste dans l'arrière-cour des États-Unis. Eisenhower autorise alors la CIA à déclencher le plan PB Success, destiné à renverser Arbenz. Corruption d'officiers de l'armée, tract anti-Arbenz et traité d'alliance avec le Honduras et le Nicaragua, prépare le terrain. L'homme clé de la guerre psychologique contre Arbenz est alors Everett Howard Hunt, que l'on retrouvera 20 ans plus tard comme un des faux plombiers du Watergate. Le 24 mai 1954, la marine américaine entame un blocus du Guatemala. Le 18 juin, un groupe de 150 à 200 mercenaires guatémaltèques, nicaraguayens et américains, en provenance du Honduras, emmené par le colonel Carlos Castillo Armas, franchit la frontière et marche sur la capitale. La propagande radio de la CIA convainc plusieurs hauts gradés qu'une force supérieure en nombre va écraser l'armée régulière et fait déserter le chef de l'aviation qui emmène ses pilotes avec lui. La voie est libre pour des bombardements par des avions de la CIA, qui achèvent de démobiliser l'armée. Le 27 juin, Arbenz démissionne et s'enfuit au Mexique. Armas est proclamé chef de l'État et met fin aussitôt aux réformes agraires. Le Guatemala est une sorte de bande-annonce de toutes les opérations à venir en Amérique latine. L'opération PB Success se fonde sur une menace communiste imaginaire qui serait prête à déferler sur tout le continent. La CIA ne s'est pas contentée de remplacer un gouvernement démocratiquement élu par une dictature plus favorable aux intérêts américains. Elle a aussi assuré le service après-vente en apportant finances, logistique et savoir-faire aux dictateurs successifs du pays, les aidant à former leurs escadrons de la mort et réprimer une coriace guérilla. Selon Jean Guinel, de 1980 à 1995, la CIA a versé 30 millions de dollars aux services secrets guatémaltèques, sans doute parmi les pires pourfendeurs des droits de l'homme en Amérique latine. L'opinion américaine s'est montrée particulièrement sensible dans les années 1990 à deux meurtres commis par les forces armées du Guatemala. Michael Devine et Efraín Bamaca ont été tués au vu et au su d'un colonel, Roberto Alpirez, qui se trouve être, circonstance aggravante, un informateur rémunéré de la CIA, bien connu pour sa sauvagerie. De 1954 à 1996, date de la démocratisation du régime, on estime que la répression des opposants a fait environ 160 000 morts et 40 000 disparus.